16e chapitre. Jean Machu. Il tenait enfin sa proie, ce tigre féroce qu'on appelle le peuple de Paris, et dont tant de fois, depuis 80 ans, on a tenté de faire le maître souverain de la France. Il criait, hurlait, trépignait de joie, en voyant entre ses mains les représentants des deux classes d'hommes qui assurent le bonheur et le repos. Le prêtre qui élève ses enfants dans le respect de la famille, le gendarme, ce soldat d'élite chargé de faire exécuter les lois aux dépens de sa propre vie. Les condamnés montaient le boulevard des Amandiers du côté de la rue de Paris et longeaient le boulevard des Couronnes. Pendant ce temps, les clairons et les tambours faisaient entendre une sorte de marche joyeuse, souvent dominée par le chant de la Marseillaise et les cris forcenés de la foule. Les fédérés, irrités du calme recueilli des condamnés, s'efforçaient de leur enlever la paix de la dernière heure en les frappant à coups de crosse de fusil, de plats de sabre, en les accablant des plus grossières injures. Des mégères, portant une cocarde tricolore à leur bonnet et une ceinture rouge à la taille, vomissaient l'insulte sur les prêtres qui priaient à voix haute. L'une d'elles saisit son enfant, l'éleva jusque sur son épaule et lui dit d'une voix rude « Regarde passer les abuseurs et les assassins du peuple, on va les fusiller. Quand tu seras grand, prouve-leur autant de haine que le fait ton père. » Le petit enfant, un beau chérubin blanc et rose, regarda d'un œil surpris ceux que l'on entraînait. Puis, reconnaissant son père dans la horde des fédérés, il lui tendit ses petits bras. Le misérable enleva l'enfant et lui donna deux gros baisers. Alors un sanglot se fit entendre derrière lui, et le fédéré, se retournant, vit de grosses larmes rouler sur la figure bronzée d'un soldat. « Mes enfants, répétait-il, mes pauvres enfants. « Tiens, fit le fils de la mégère, le pauvre homme, il pleure. Pourquoi pleure-t-il, papa ?»« Parce qu'on va le fusiller au nom de la commune. » L'enfant, qui ne comprenait pas, fit le geste d'essuyer les larmes du soldat. La mère l'arracha des bras du mari et se perdit dans la foule. Les gavroches riaient et lançaient des lazzis sinistres et faisaient des paris sur l'attitude probable des condamnés quand l'heure de la mort serait enfin venue. L'un d'eux, un vieux prêtre, tomba. Relevé brutalement, meurtri de coups, il accepta le bras d'un gendarme car la force lui manquait pour aller plus loin. Et cependant, il ne voulait pas avoir l'air de faiblir. Quand le sinistre cortège se trouva en face de la rue de Paris, il la suivit jusqu'à l'endroit où elle se trouve coupée à droite par la rue Haxo. L'emplacement choisi pour le massacre était la cité Vincennes, dont l'entrée se trouve au numéro 83 de la rue Haxo. On pénètre dans cette cité bien connue des malfaiteurs du quartier en traversant un petit jardin potager auquel fait suite une grande cour précédant un corps de logis d'apparence sordide et dans lequel les insurgés avaient établi leur quartier général. Quand les otages arrivèrent aux cités Vincennes, ils s'attendaient à être fusillés immédiatement. Mais les chefs qui devaient assister à l'accomplissement de ce massacre ne se trouvaient pas là. Peut-être aussi voulait-on simplement prolonger l'agonie des martyrs. Un des fédérés du poste émit l'avis de les enfermer provisoirement dans une cave. Cette motion reçut l'approbation générale. La cohorte des insurgés poussa les malheureux dans le couloir sombre d'une maison, on leur fit descendre un escalier fangeux et on les verrouilla dans une cave assez vaste, recevant l'air et le jour par un soupirail donnant sur la rue. Ils n'eurent pas même de bottes de paille pour s'étendre dans le dernier asile qui leur fut donné avant l'heure suprême. Les prêtres se mirent à genoux et chantèrent des psaumes. Alors de la rue éclata une explosion de huées. Des hommes et des femmes, mettant leurs faces hideuses contre les barreaux de fer de la cave, cherchaient dans leur épouvantable langage ce qui pouvait le plus distraire, troubler, torturer l'agonie des malheureux. Ce calme sublime les forçait à une admiration qui exaltait leur fureur jusqu'à la folie. Mais ni le sarcasme ni l'injure n'arrivaient plus à l'oreille de ceux qui allaient mourir. Ils voyaient le ciel de trop près pour songer encore aux fanges de la terre. Plus le corps souffrait, s'affaissait, plus l'âme, victorieuse de la crainte et de la douleur, montait jusqu'à ce qu'elle trouvât Dieu. Au nombre de ceux qui péroraient dans la rue et se réjouissaient davantage de la sanglante tragédie dont ils attendaient la fin, se trouvaient bon nombre des hôtes habituels du père Mathusalem. Celui-ci n'avait point abandonné le repère de la rue Gillecoeur, mais la naine, sa servante, autant pour se dévouer à la chose publique que pour surveiller le personnel de la table d'hôte, avait établi rue Axo une cantine en plein vent dans laquelle le café noir, l'eau-de-vie, les 3-6 et le fil en 4, allant jusqu'à la force du vitriol, se partageaient les préférences des consommateurs. Ce monstre femelle avait cru devoir arborer les insignes de ses convictions, et un tablier, rouge comme celui d'un boucher, commençait à son menton sur la pièce du corsage et se terminait au-dessus de ses gros pieds, nageant dans des souliers veufs de la tige de bottes qui les surmontaient jadis. Elle riait, elle chantait, elle se démenait derrière ses fourneaux, la hideuse créature, débitant des phrases du père Duchesne assez pratiques, annonçant le triomphe des braves rouges, encourageant les derniers défenseurs de la commune à faire sauter ce qui restait de Paris. « Toujours drôle, la naine !» dit un homme vêtu d'un costume de commandant des vengeurs de la commune. « Ah, c'est toi, Jean Machu !» répondit la naine. « Que faut-il te servir ?»« Du fort !» répondit-il. « Du très fort !» La naine lui versa un verre débordant d'eau-de-vie. « À ta santé, la naine !» dit Jean Machu. « Et fais-moi raison !»« C'est toi qui régales ?» Comme de juste, tu vends ta marchandise, tu ne la consommes pas. La naine remplie de verre entendit un à Jean Machu et choqua le second contre celui du forçat. À ton mariage, fit-il. La naine posa son verre sur la table. Faut pas rire, Jean Machu, dit-elle. Tu sais bien qu'il ne se trouvera jamais un homme qui veuille de la servante de Mathusalem. Tu crois? J'en suis sûr. « Et tu jurerais aussi vite que jamais, au grand jamais, tu n'as plus à quelqu'un ?» Une flamme rouge passa sur le visage de la hideuse créature. « Pourquoi parles-tu de cela, Machu ?»« Parce que, répondit le commandant des vengeurs de la commune, j'ai rencontré l'autre jour quelqu'un à qui tu portes un grand intérêt. »« Mathusalem, peut-être ?»« Celui-là, tu le sers, mais tu ne l'aimes pas. »« Qui donc, alors ?» Fleur d'échafaud. Tu l'as vu ? S'écria la naine en bondissant vers le forçat. Je l'ai vu. Où ça ? À la préfecture de police, il est dans les vengeurs. Mais, fit la naine, si les soldats de Versailles le prenaient ? Il est probable qu'il manquerait de temps pour t'épouser, la naine. Assez de plaisanteries comme ça, fit la servante de Mathusalem. Je ne veux pas qu'on l'arrête, on le tuerait. « tu vois, rien qu'à l'idée de son danger, tu montres les dents et les griffes. Quand je te disais... »« Tu disais une bêtise !» reprit froidement la naine. « Je ne veux pas qu'il soit pris, c'est vrai, mais je sais seule, toute seule, entends-tu, Jean Machu, pourquoi sa vie m'est précieuse ?» En ce moment, un certain tumulte se fit dans la foule, qui s'ouvrit pour laisser passer un jeune homme vêtu d'un costume étourdissant de broderies d'or et de galons. Il appartenait aux enfants perdus de Bergeret. Jean Machu se retourna pour regarder la cause de l'attention générale, et la naine monta sur la table qu'encombraient les bouteilles, les tasses et les verres des consommateurs. Elle promena ses regards de tous côtés sans rien distinguer, puis tout à coup une expression de joie farouche brilla sur son visage. « Fleur d'échafaud !» murmura-t-elle. Alors, descendant avec autant de prestesse que le lui permettaient ses jambes torses, elle reprit sa place derrière son comptoir improvisé. Jean Machu venait de tendre la main au nouveau venu. « Eh bien, Marc Mauduit, demanda-t-il, que fait-on là-bas ? Les Versaillais prennent Paris barricade par barricade et le flot des soldats nous repousse de ce côté. « Tu viens te battre ? Je viens voir d'abord. « Chercher un plan ensuite. »« Eh bien !» fit Jean Machu. « Tu tombes bien, quelqu'un parlait de toi tout à l'heure. »« Qui ça ?»« La naine, elle a une cache. »« Ce sera bon pour demain, » dit Fleur d'échafaud. « Il me semble qu'une offre pareille de sa part vaut bien un remerciement. » Le brillant jeune homme s'approcha du comptoir et accepta une tasse de café que le monstre lui tendait. « Demain, dit-il, j'aurai besoin de toi. »« Ah » fit-elle. « Et tu veux ?»« Un travestissement quelconque et un asile. » »« Le costume sera prêt dans une heure. L'asile rugit le cœur. » « Mais si Mathusalem me vendait ?»« Ce n'est peut-être pas l'envie qui lui ferait défaut, » dit la naine. « Mais il n'oserait pas. » « Qui lui ferait peur ?»« Moi, toi ?» répéta Fleur d'échafaud avec un éclat de rire. « Oui, moi. Ah !» poursuivit la naine. « Parce que tu m'as vue dévouée à tes intérêts comme une vraie mère, tu crois peut-être que je ne sais qu'aimer et que la haine m'est inconnue ? Ne t'y trompe pas, beau fils. Mes haines sont de belles et bonnes haines que je sais couver longtemps avant de les faire éclater. »« C'est drôle, » répondit Fleur d'échafaud. « Drôle ! Tu trouves ma haine chose risible ?»« Parce que tout est risible en toi, ma pauvre fantoche. Tu n'es pas une femme. Tu ne peux pas avoir les sentiments d'une femme. La nature t'a réduite à l'état d'ébauche, de monstre. Et monstre, tu seras toujours. »« Eh bien !» fit lentement la naine, en couvrant Fleur d'échafaud d'un regard qui eût fait trembler tout autre. « N'encours jamais la haine de la fantoche, comme tu dis. » Tu saurais alors qu'elle est terrible. » Les combattants des barricades prises, les fuyards, les pétroleurs chassés de leurs repères, montaient du côté où se trouvaient encore des armes à charger, des maisons à incendier, des crimes à commettre. Beaucoup d'entre eux, traqués de rue en rue, de maison en maison, ne demandaient plus qu'un dernier amas de moellons et de terre pour s'y faire tuer en hurlant « Vive la commune !» L'ivresse de la colère, de la débauche et du vin surexcitait la moitié de ces hommes, l'autre moitié sentait l'étreinte de la peur. Les fanfarons paradaient dans les quartiers menacés et non envahis. Les trembleurs coupaient à la hâte leurs cheveux, leurs barbes, endossaient des travestissements, arrachaient la bande rouge de leurs pantalons et brisaient leurs armes. Quand la nuit fut tout à fait venue, la naine transporta dans une boutique vide sa table, ses bouteilles, son fourneau, et, sans songer à prendre un seul instant de sommeil, elle débita sa marchandise en assaisonnant son bagout de négociante de sinistres mots de tricoteuse de la commune. Dans cette vaste pièce sans meubles affluèrent bientôt les rôdeurs du soir, les filous de profession, des jeunes hommes mis avec une sorte de recherche, piliers d'estaminets et de bals publics, les soldats fédérés à demi-ivres s'exhortant entre deux hoquets à mourir pour la commune et s'empruntant fraternellement leurs dernières ressources en se tutoyant au nom de la sainte égalité. Le canon grondait comme une basse sourde. À mesure que se rapprochait le bruit, on pouvait constater les progrès que faisait dans Paris l'armée régulière. Il vint un moment où, en dépit des haines, des colères, de l'ivresse, le sommeil dompta quelques-unes des brutes rassemblées dans la boutique de la naine. Elle-même s'assoupit près de son comptoir, tandis que Fleur d'échafaud et Jean Machu, dit Rat de Cave, parlaient de leur prochain avenir. « Ah !» dit Fleur d'échafaud, « j'en ai assez de la commune et des droits du peuple. C'est joli, mais cela compromet. C'est bon dans les clubs et dans les journaux d'avancer des idées de cette couleur-là. » Mais il est dangereux de les soutenir avec un chasse-peau ou un revolver. Je n'ai pas 24 heures à porter mon costume, si bien chamarré d'or par les soins de la Rose, qui a dépensé en bijoux la moitié de l'argent de la caisse de Pomerol. Une fois le drame de demain terminé, je file, et l'on me retrouvera ensuite sous la peau de Marc Mauduit, le secrétaire modèle. Et toi ? Moi, c'est autre chose, répondit brusquement Rat de Cave. On a conduit des canons au cimetière du Père Lachaise. Je servirai la dernière pièce. « Pourquoi ne pas essayer de te sauver ?»« À quoi bon ? Que faire après ? Ce que tu as fait jusqu'à cette heure ? Voler ? Tuer ? Je ne crois pas qu'on te destine une ambassade. »« C'est possible. Mais tuer, voler, c'est toujours la même chose. Sans compter que certains souvenirs vous laissent des idées qui ressemblent. »« À quoi diable peuvent bien ressembler tes idées ?» demanda Fleur d'échafaud en riant. « À des remords !» répondit sourdement Jean Machu. « Tu connais ça, toi ?»« Le nom n'y fait rien. Je sais ce que c'est que de rester sans dormir et de voir sans fin devant ses yeux le visage d'un homme qui vous accuse. Je sais ce que c'est que de se dire « L'air que je respire, je l'ai volé. La liberté dont je jouis, je l'ai volé. Et un autre, Un autre paie à ma place ce que je dois à la justice. Amen, dit Fleur d'Échafaud. Il posa ses deux bras sur la table de la naine et appuya son front sur ses bras. En ce moment, un nom s'échappa des lèvres du monstre femelle. « Christine, ma chère Christine !» Puis, son sommeil se peuplant de visions terribles, la naine ajouta « Tu seras vengée, Christine, tu seras vengée !» Fleur d'Échafaud souleva son front et regarda la servante de Mathusalem. Elle était hideuse. Une écume blanche moussait sur sa bouche lipue. Ses narines palpitaient et son front se sillonnait de rides. Il sembla même à l'ignoble coquin accoudé près d'elle qu'elle prononçait le nom d'André Niçois. Mais Fleur d'Échafaud crut s'être trompée. Quel lien pouvait exister entre le riche banquier et la naine difforme qui confectionnait la cuisine de Mathusalem après avoir été la grande attraction des foires de village? La nuit s'écoula. À l'aube, la voix affaiblie des prêtres s'élevait encore. La pieuse invocation de la mort n'avait cessé de retentir dans leur cachot. Tous ceux que rassemblait un même arrêt, pressés les uns contre les autres, n'avaient plus qu'un même esprit, qu'une seule espérance. Les soldats condamnés s'étaient agenouillés devant les prêtres, et ceux-ci, remplissant leur ministère sublime, avaient rapproché du ciel tous ceux qui allaient mourir. On avait laissé les otages sans nourriture, et les souffrances de la faim s'ajoutaient à leurs tourments. Le matin ramena près du soupirail ceux qui attendaient l'heure de leur supplice avec le plus d'impatience. Chacun sentait que les progrès de l'armée laisseraient à peine le temps d'accomplir ce dernier crime et qu'il fallait se hâter. Cependant, soit en raison de la vive préoccupation causée par les succès des soldats de Versailles qui prenaient Paris rue par rue et presque maison par maison, l'ordre définitif se faisait attendre. La journée presque tout entière se passa dans l'alternative. Enfin, un jeune homme portant l'écharpe des délégués de la commune vint au quartier général de la cité Vincennes, transmit des instructions à des soldats fédérés faisant partie d'un bataillon du 11e arrondissement et d'un bataillon du 5e arrondissement. Et quelques-uns des enfants perdus de Bergeret descendirent l'escalier de la cave et ordonnèrent aux prisonniers de se lever. Ils obéirent. Personne ne tenta même de défendre sa vie. À l'apparition des prisonniers, un hourra formidable se fit entendre, accompagné d'une musique sauvage, et les soldats eurent peine à maintenir la foule. Ce n'était pas qu'ils songeassent à protéger les condamnés contre les outrages. Ils redoutaient seulement que l'un d'eux essayât de s'enfuir à la faveur du tumulte. L'enclos dans lequel on les poussait était occupé d'avance par les états-majors des diverses légions. Les 50 otages et leurs égorgeurs achevèrent de remplir cet étroit espace. Une partie de la foule, massée aux alentours, fut dans l'impossibilité d'assister à ce dernier acte de férocité. On plaça les otages en avant du mur, et un peloton de soldats, tenant ses armes chargées, s'apprêta à faire feu au premier commandement. Au moment où l'abbé Pomereul s'arrachait à l'étreinte d'un vieux prêtre qui le serrait dans ses bras, deux hommes, couverts de broderies d'or et de riches glands, fendirent vigoureusement la foule afin de se trouver au premier rang des curieux. Tous deux tenaient à la main des revolvers armés. « Le commandant Machu, le colonel Marc Mauduit !» murmura la foule qui s'ouvrit avec une sorte de respect. Mais à peine le commandant se trouva-t-il bien en face de ceux que l'on allait fusiller, à peine eut-il embrassé leur visage d'un regard rapide, qu'il bondit vers eux avec l'agilité sauvage d'un tigre et couvrit le plus jeune de son corps pour lui en faire un bouclier. Les soldats qui venaient d'épauler leurs fusils attendaient, et celui qui commandait le feu s'avança vers le commandant qui entravait d'une façon si imprévue la justice du peuple. « Commandant ! » dit-il. « L'heure de l'exécution est sonnée !» Alors le défenseur de l'abbé Sulpice fit face à la foule et dit aux officiers et aux soldats qui se rapprochaient attirés par une curiosité invincible « La vie de cet homme ! Il me faut la vie de cet homme ! Tu as donc un fameux compte à régler avec lui, commandant ! » demanda un lieutenant d'une voix avinée « Que le chasse-pot ne suffit pas à ta vengeance !» Le jeune prêtre venait d'étouffer un cri en reconnaissant celui qui se plaçait d'une façon inopinée entre lui et la mort. « Jean Machu, Oui, je veux sa vie !» répéta Radecave, l'ancien forçat. « Un prêtre, un imposteur échapperait à la justice du peuple ? Jamais !» hurlèrent les fédérés. « Il m'a sauvé !» dit Jean Machu avec éclat. « Je ne veux rien lui devoir !»« À mort, le calotin ! À mort !» glapit un enfant. Fleur d'échafaud glissa à l'oreille de son complice. « Es-tu fou ? Lui mort, nul ne peut plus nous perdre !»« À mort ! À mort !» répéta la foule. « Vous me connaissez !» dit Jean Machu. « J'ai fourni de suffisantes preuves de civisme. Le premier, j'ai mis le feu aux finances après le télégramme de Ferré. J'étais là quand on a fusillé l'archevêque. Depuis le commencement de la semaine, je sers tantôt une barricade, tantôt l'autre. Delescluze était mon ami et je tutoie Millière. Je suis prêt à brûler ma dernière cartouche avec vous, mais en récompense de mes services, je vous demande la vie de cet homme. Arrière, commandant ! Passage libre. Machu est un traître. Machu est plus habile, plus robuste que vous tous, reprit le commandant des vengeurs de la commune. Le premier qui fait un pas en avant est mort. Le forçat évadé braqua son pistolet et attendit. Personne ne bougea. Sa vie, répéta Machu. Me donnez-vous sa vie? Jamais. Eh bien, vous apprendrez tout. À cette heure, d'ailleurs, il importe peu à chacun de nous d'avoir plus ou moins de choses sur la conscience. Personne ne vivra peut-être demain. Je n'ai pas seulement commis de crimes contre la société. J'ai puisé dans la caisse du père de celui que vous voulez fusiller. J'y ai pris 100 000 francs. Bravo ! Dit une voix. Il le savait, il ne m'a pas vendu. Un sourd murmure s'éleva dans la foule. Jean Machu ajouta en continuant à couvrir Sulpice de son corps. « Enfin, j'ai assassiné son père, et il ne m'a pas livré !» Cette fois, une rumeur d'incrédulité grandit dans les troupes. « Non, dit Jean Machu, il ne m'a pas livré parce que le serment de la confession fermait ses lèvres. J'ai commis plus d'un crime dans ma vie, mais je sauverai cet homme pour me montrer reconnaissant. » Ou vous tuerez le commandant des vengeurs de la commune, ou vous nous laisserez libres tous deux. Une fois l'abbé Pomerol à l'abri, je reviendrai me battre avec vous. » L'abbé Sulpice essaya de se dégager de l'étreinte du forçat. « Laissez-moi mourir, lui dit-il. Ce martyr est le plus noble trépas que je puisse espérer. Dieu, qui est justice et miséricorde, vous comptera les efforts que vous multipliez pour me sauver. Ne me forcez pas à déserter les rangs de nos frères. Vous avez prononcé de dangereuses paroles. Faites-les oublier en m'abandonnant à toute la haine de mes ennemis. » « Non, dit Machu, s'ils s'obstinent, nous mourrons ensemble. Mais ils n'oseront pas tirer. » Comme pour démentir cette parole, l'officier des fédérés cria aux soldats. « Apprêtez, armes !» Une dernière fois, Sulpice essaya d'échapper à son sauveur pour rejoindre ses amis qui, adossés au mur, attendaient la fin de cette scène. Les soldats du bataillon du 11e arrondissement firent un mouvement en avant, comme une marée qui monte et envahit la grève. En ce moment, Jean Machu se sentit brusquement tiré par ses vêtements. Il regarda en bas et reconnut la naine qui lui faisait un signe mystérieux. En même temps, elle lui tendit un manteau simple et de couleur sombre. Le forçat comprit la pensée de la servante de Mathusalem, et tandis que celle-ci laissait passer devant elle un groupe de femmes avides de voir le dernier acte de ce drame sanglant, Jean Machu enveloppa l'abbé Pomerol dans le manteau et le déroba un instant au regard de ses ennemis. Si rapide que fût cet instant, il en profita pour dire tout bas à Sulpice « Songez à votre sœur !» Alors, profitant du choc douloureux que ces mots venaient de produire dans l'âme de l'abbé Pomerol, Machu, cédant du désordre causé volontairement par la naine, entraîna Sulpice dans l'ancien cimetière et gagna une maison vermoulue dont il lui fit gravir l'escalier. À la même minute, une décharge d'artillerie apprit que le peuple de Paris venait de commettre un des actes les plus iniques de son règne. Pour être abrité dans une maison, l'abbé Sulpice et Jean Machu n'étaient pas pour cela en sûreté. Ils pénétrèrent au hasard dans une chambre vide où quelques habits d'ouvriers pendaient à des clous. Le forçat les arracha et les jetant au prêtre. « Vite !» dit-il. « Vite, les bêtes féroces vont revenir !» puis tirant une poignée d'or et le billet de sa poche, « Voilà pour indemniser le locataire du costume qu'on lui emprunte, » dit-il. Sulpice se décida enfin à accepter le salut que la Providence semblait lui imposer. Il passa rapidement le pantalon et le bourgeron de toile bleue que Jean Machut venait de payer d'une façon si libérale, puis il aplatit une casquette sur sa tête et se trouva travesti de façon à tromper l'œil le plus exercé. « Venez !» dit alors Jean Machut à Sulpice. Tous deux descendirent lentement. La maison avait deux issues. Avec le flair d'un voleur et l'agilité d'un forçat, Jean Machut ouvrit une porte condamnée, franchit un petit mur et aida l'abbé Pomereul dans cette escalade. Ce qu'il venait de faire s'était accompli si rapidement que les bourreaux des otages ne pouvaient encore se rendre compte de ce qui venait de se passer. Ils se réjouissaient en ce moment des convulsions suprêmes de leurs victimes. Quand ils les comptèrent des yeux et s'aperçurent que l'une d'elles leur manquait, il s'était déjà écoulé trop de temps pour qu'il leur fût possible de retrouver la piste de Jean Machut. Pendant ce temps, l'abbé Pomereul et le forçat gagnaient un quartier désert, d'où l'on dominait Paris qui flambait encore. « Allez !» dit le vengeur de la commune. « L'armée de Versailles est là pour vous protéger. Désormais, souvenez-vous de moi sans me maudire. »« Ah !» dit l'abbé Sulpice. « Si vous aviez voulu me suivre, changer de vie. » « Il est trop tard, » répondit Jean Machut. « Je vais jouer ma dernière partie. » Et, serrant avec une énergie désespérée la main miséricordieuse qui se tendait vers lui, le forçat reprit en courant le chemin de la rue Haxo.